Nous sommes réunis pour jouer au jeu L'Empreinte. Donc je serai l'arbitre de cette partie. J'ai choisi une menace. Vous allez devoir choisir un lieu dans lequel va se dérouler cette histoire que nous allons élaborer ensemble. Pour intervenir, vous allez créer des personnages qui vont être définis par une vocation, éventuellement un métier, et deux attitudes potentielles face à la menace. Vous allez devoir définir pourquoi vos personnages sont jusqu'à présent inséparables et donc on verra dans le cours de l'histoire si cela se maintient ou si c'est remis en cause et pourquoi ils sont contraints, circonscrits, inscrits dans le lieu que vous aurez choisi. Vous aurez à définir en tant que joueur. Vous aurez toujours le dernier mot sur vos personnages, tandis que l'arbitre, moi-même, aura le dernier mot sur le décor et les figurants. Lorsqu'il y a litige, doute sur l'issue d'une action, on va trancher et déterminer qui l'emporte, accomplit, définit l'issue par un jet de dés. Alors, de dés au pluriel. Vous aurez des nombres de dés qui seront définis en fonction de la roue des personnages qui est au centre du plateau de jeu. Oui, qui est dans les mains de Gabriel. Donc, cela tiendra à la vocation du personnage, son attitude éventuelle face à la menace et toute une série de paramètres. Chaque groupe ou personnage va pouvoir se définir au regard du point pour lequel on s'interroge et définir le nombre de dés que vous lancerez alors séquentiellement les uns après les autres. Vous pouvez renoncer à tout moment au conflit dès lors que celui auquel vous vous opposez, ce peut être un figurant, ce peut être un autre personnage, a encore une réserve de dés à lancer. On peut à tout moment changer le souhait que l'on a émis au travers de ce test. Lorsque l'on lance les dés sur un résultat de 6, le personnage est frappé d'une empreinte. Une empreinte issue des phénomènes liés au monde de Milvaux. Je ne vous rappelle pas ce qu'il caractérise ou sommairement. Vous avez besoin que je vous le remémore. Toujours mieux. Le coup. Hein? C'est toujours mieux. D'accord. Donc le contexte, tout est tombé en ruine. Notre civilisation, nos infrastructures, notre technologie et nos mœurs. Et l'érosion se poursuit. La forêt envahit tout. Elle s'immisce partout et prend toute la place. La nature est folle, le béton se change en terre et les arbres éventrent les infrastructures. L'oubli ronge les êtres. Les propriétés de la mémoire sont bouleversées. Elles se corrodent, se déforment et s'égrènent. L'égrégore capte les émotions, les peurs et les croyances des gens. C'est une force qui s'en nourrit pour transformer l'environnement. Des monstres, les Orlas, apparaissent dans la forêt et ailleurs. Les plus puissants d'entre eux sont les déités Orlas. Et enfin, l'emprise, une forme de transformation, submerge le monde. Ruines, forêts, oubli, égrégores et Orlas l'alimentent et en font partie. Donc, sur un résultat de 6, le personnage sera touché par l'empreinte. La longévité des personnages dans le jeu est fixée par le mode retenu en début de partie. Vous allez le définir. Donc, il y a trois modes. Le mode découverte, le mode normal ou classique, et enfin le mode cauchemar. Donc, le nombre d'empreintes que pourra tolérer un personnage avant de devenir définitivement à un figurant et fonction du mode retenu en début de partie. Ce sera le cas, donc il deviendra définitivement un figurant ou disparaîtra ou mourra lorsqu'il aura cumulé 3 empreintes en mode cauchemar, 4 en mode classique et 5 en mode découverte. Vous aurez le choix alors de prendre un autre personnage parmi les figurants, les régir en personnage, toutefois dans la mesure où il n'aura pas évolué depuis le début au sein de l'histoire, il n'aura pas les mêmes prérogatives, mais il pourra justifier qu'un autre personnage emploie un dé d'humanité ou un dé d'empreinte, en sus de ce à quoi il pourrait prétendre. Donc, le 6 est marqué par l'empreinte. On jette les dés les uns après les autres. Un camp peut arrêter en cours de route. Le camp obtenant le plus gros total l'emporte. Vous utilisez la roue du personnage. En tant qu'arbitre, j'utiliserai la roue de la menace, qui va être caractérisée par le stade dans l'histoire, qui va fixer un plafond de dés qui me seront dévolus, et des circonstances dans lesquelles le souhait est exprimé qui vont me permettre d'aligner ou non des dés sur la roue de la menace. Donc vous émettrez un souhait avant d'effectuer le premier jet de dés. Ce souhait peut consister en la modification d'une situation donnée, infliger un effet, causer une empreinte à un tiers, fuir la menace pour la durée de l'acte. Alors le jeu va être découpé en 4 actes qui sont symbolisés par les 4 dés d'empreinte. Non. Et par les bougies. Ça me fait penser à Ten Candles sur ce coup. Mm-hmm. C'est l'une des références citées parmi les volontés de l'auteur ou les intentions de l'auteur, avec Innommable de Clé et Toulouse Dark de Bram Wesley. Et il y a des différences substantielles entre les 3 jeux que j'ai cités. Un autre jeu de Thomas Munier qui s'appelle Le Témoignage, qui est sur la même orientation, mais chacun des jeux a ses particularités ou son angle de vue ou de prise avec le personnage. Là, le sujet, c'est pas, on peut pas le qualifier de jeu d'aventure, c'est pas l'objet, c'est plus un jeu d'horreur qui va explorer l'horreur au travers des personnages et de leur évolution au travers des 4 actes qui sont proposés. Est-ce que cet exposé vous paraît clair ? On a l'empreinte ou fiche au personnage, on doit faire une description, choisir 2 attitudes qui permettront de savoir quand est-ce qu'on pourra avoir un dé d'attitude, vocation qui permettront de savoir si on a le droit à un dé de vocation, dé d'humanité c'est en fonction de l'action qu'on veut réaliser. Donc si j'étais en train de l'utiliser. Non, parce qu'en fait papa va avoir besoin de sa feuille. Mais le dé d'humanité, donc ça veut dire c'est que ça relève du domaine normal de l'homme, puisque vous avez vu que dans les propositions de vocation, il y a sorcellerie, ce qui nous place directement dans l'empreinte. Donc il y a certaines actions qui vont entraîner l'adjonction d'une empreinte immédiate. Alors, avant de définir même la vocation ou le métier du personnage, je pense que le premier point, ou du moins pour moi, le point qui me semble... Les empreintes, c'est les points de vie du personnage, pour caricaturer. Oui, mais c'est plutôt... Ses capacités à rester intègre mentalement avant de devenir un figurant. Pour rejoindre ton propos, ça peut être les points de vie, puisqu'une blessure, une empreinte peut être une blessure infligée. Mais par, ça peut être à la fois physique, mentale, et il peut se l'auto-infliger en utilisant un dé d'empreinte. Alors, le dé d'empreinte, c'est lorsqu'il va utiliser une empreinte acquise pour résoudre une action. Hein ? Vous allez... J'ai pas compris. Votre personnage va évoluer au sein des actes. Admettons qu'il ait reçu une empreinte qui va prendre la forme d'une transformation. Il va utiliser cette transformation pour se surpasser, dépasser, modifier la situation dans le cadre de son souhait. Là, l'empreinte existante va le servir. Après, il se peut, et c'est ce que nous dit la roue de la menace, que cette empreinte, ou l'empreinte dont il est victime, est un revers à la médaille, et légitime également un dé pour l'arbitre. En opposition, un autre aspect de l'empreinte va intervenir dans la résolution du conflit. D'accord ? Donc le dé d'empreinte, c'est le fait d'utiliser l'empreinte dont est entaché le personnage pour surmonter la difficulté. Et des traumatismes, c'est si l'action devait lui apporter une empreinte. Ok. Donc, il y a également le dé de risque. Bah, le dé de risque, c'est tenter le tout pour le tout. Et ça a une incidence. Si un personnage accepte de s'exposer davantage au danger en agissant, en cas de 6, au dé de risque, l'arbitre explique quelles conséquences néfastes subit le personnage. Ce peut être une empreinte, mais pas forcément. Donc c'est selon le contexte, mais ça peut aboutir à une empreinte. C'est l'un des dés, mais il a une... particularité. Voilà. Si tu fais 6, t'as un... T'as le revers de médaille. Oui, mais ça, ce n'est c'est pas forcément une empreinte. Alors ça peut les être autres, tout n'importe quoi. Alors que les autres, c'est systématiquement une empreinte. Il y a un dernier type de dé qui n'est pas évoqué sur les deux roues. C'est le dé vert. C'est le dé de mort subite. S'il y a égalité entre les deux parties, oui. On lance un dé. Et... un dé successivement de mort subite. Et le dé de mort subite a les mêmes règles que les autres dés. C'est-à-dire que si l'on fait 6, une empreinte affecte le personnage. Mais ça permet de départager. Si on fait 6 sur le dé d'attitude, on se prend une empreinte. Oui. Alors que le dé de risque, c'est pas forcément une empreinte. Voilà. Mais en fait, le dé de risque, le dé de risque, c'est que les autres. Oui, mais c'est le fait de se dépasser, d'aller au-delà de son penchant naturel, de se mettre hors de sa zone de confort. Mais ça, c'est paradoxal, un dé de risque qui est moins risqué que les autres dés. Il n'est pas moins risqué. Bah si. Parce que on va mais avoir... Mais c'est des empreintes, on peut résumer ça par des points de vie, donc. Oui, mais pas uniquement. Parce que tout l'objet du jeu, c'est de se confronter à l'horreur. D'accord ? Ouais. À quelque chose, une menace sourde qui habite le monde de Bilvaux. Donc, si confronté, va avoir des conséquences. Ces conséquences, ce seront l'empreinte. Okay. Les prises d'empreinte des personnages. Vous me suivez jusque-là ? Oui. Donc, le dé de risque, ça représente la faculté d'un homme lambda, un homme quelconque, un Milvalien, de se dépasser et de risquer le tout pour le tout. Ça peut se traduire par une blessure très classique, mais c'est pour ça qu'il y a cette faculté qui est ouverte à l'interprétation. Mais c'est pas systématiquement s'enfoncer dans l'horreur à proprement parler. C'est pas nécessairement en lien direct avec la menace. C'est plus en lien avec le personnage. Alors que les autres manifestations vont trouver leur résultante uniquement dans le fait de contrer la menace ou l'un des aspects de la menace. Ça peut être les séides, les orlas, ça peut être des zélateurs quelconques. Ce seront les attributs de la menace qu'elle prendra au cours de cet acte. Ce sera peut-être différent la fois d'après. Et si confronté, mettra en péril l'équilibre du personnage. Donc c'est en cela où ce ne sont pas des points de vie classiques. Oui, c'est des points de vie qui ne sont pas que tu subis un dégât physique et tu perds un point de vie. C'est Tu subis un dégât, quel qu'il soit, mental, physique ou moral. Mmh. Tu perds un point de vie. C'est un fragment de ta vie, toute vision confondue. Oui, mais c'est plus moral et psychologique que... Physique, oui, j'ai bien compris. Mais et ça inclut la partie physique. Voilà, mais d'où le dédrisque. Ça explique ce dédrisque. Mais est-ce que le dédrisque, par exemple, peut nous faire perdre plusieurs empreintes, si on fait un 6? Non, c'est soit selon les circonstances... Soit une empreinte, soit juste... Une conséquence néfaste pour le personnage dans le cours de l'acte et pour la poursuite de l'histoire. Donc je disais, au-delà de la vocation qui va avoir une traduction dans les potentialités de votre lutte contre l'empreinte, au-delà de la définition d'un métier... Et pour définir ne serait-ce que les raisons qui font que vous êtes a priori ensemble et que vous êtes attaché à un lieu, il va falloir que vous définissiez d'abord ce lieu. Donc, vous avez une liste de propositions. Allez, la paginée sur deux pages, excusez-moi, je ne l'ai pas représentée. Enfin, reformulée, vous avez... Alors, je peux vous en donner lecture, parce que là, c'est pas pratique, vous êtes en vis-à-vis pour Gabriel. Voilà, comme ça, on dit tous les deux de travers. Ouais. Il n'y a pas de préférence. Enfin, ouais. Moi, vu comment je suis installé, ça fait tout aussi droit. Mais c'est moins désagréable pour Gabriel, je suppose. Un peu. Ça, c'est quoi? Ça, c'est des exemples de menaces. Okay. Donc, je vous ai dit au départ que l'arbitre choisissait... Et tu nous le dis qu'une fois qu'on a choisi le lieu, bien évidemment. Non, vous le bonheur aussi, c'est de le découvrir au cours de la partie. Donc, tu vous le dirais peut-être à la fin. Tu le diras quand on le verra, quoi. Voilà. Moi, je suis tenté soit par le lieu, on te le dira aussi quand on le verra. Ah, zut, on le départ. On en a besoin pour définir les personnages. Mais t'es pas drôle. J'hésite entre... Moi, il y a deux trucs qui me font vachement envie. Il y a le champ de bataille. Et il y a la ville squattée. Bah moi, c'est de l'enclave et le labo qui me tentaient, en fait. Alors, vous soyez effectivement d'accord. Attends, je propose un truc. On met notre ordre de préférence pour trois lieux. Et ensuite, on lance un des six. Et comme ça, on numérote et c'est au hasard que le lieu est choisi. Non, sinon on essaie de convenir d'un truc qui nous plaît à tous les deux. Oui. Mince. Ça me semble plus opérationnel. Enfin, plus pertinent, plutôt. Qu'est-ce que tu dirais d'une forêt limbique pour faire un peu comme dans Stranger Things? Ouais. Alors, je vous ai aussi indiqué qu'il y avait trois niveaux de... trois modes de jeu. Je proposais de commencer par débutant, vu que c'est la première partie. J'ai découverte. Découverte, débutant, même chose. Donc là, ça dit que le nombre d'empreintes que pourront tolérer les personnages. Voilà. Alors. Alors, il y a ici et maintenant. Je peux tellement tenter. Forêt, ville squattée, ville fantôme. Alors, le ici et maintenant s'entend à notre époque. Oui. Oui, je sais, c'est pas forcément dans notre cave. Voilà. Alors que vous êtes en train de jouer tout d'un coup, une météorite tombe au milieu de la maison, boum, vous êtes mort, fin de la partie, félicitations, vous pouvez ranger. Je pense pas que ça soit ça. Dé, on va lancer 5 dés qui symbolisent le nombre d'empreintes que vous prenez. Oui, donc quoi qu'il arrive, vous mourrez. Bref, après cette blague de très mauvais goût, on va continuer. Donc, il y a ça déjà, je pense que... Enfin, moi je suis pas tellement intéressé par ici. Ok, donc on élimine celui-ci. La forêt. Moyen. Ville squattée, bon, moyen aussi. Ville fantôme. Pas plus que ça. Enclave. Tu connais déjà mon avis sur la question. Remémore ma petite mémoire. Oui, c'est ce que j'avais proposé avec le labo. Village. Pourquoi pas. Caravane. Attends, juste comme ça, tu me demandes juste mon avis ou tu penses au tien aussi? Je pense au mien, j'essaie de... Tu peux le dire à haute voix aussi. Donc, la forêt, je sais pas du tout. La ville squattée, enfin, ça m'intéresse. La ville fantôme, pas tellement. L'enclave, pourquoi, ça peut être sympa. Le village, pourquoi pas. La caravane, je sais pas plutôt trop. Sympa. Alors, outre le fait de définir un décor dans lequel va se dérouler notre histoire, ce que vous définissez en définissant le lieu, ou ce qu'implique le choix que vous ferez, c'est de définir les attaches qu'auront vos personnages avec ce lieu, ou du moins le potentiel d'attache. Donc, pour vous, pour déterminer votre choix, je pense que vous devez l'envisager en vous disant, si mon personnage était attaché à un lieu, ce serait... Je propose ces choses. Toi, tu veux une ville squattée ou un champ de bataille. Moi, une enclave ou un labo. Donc, on fait le rapprochement entre tout ça. Dans un monde post-apo, de façon caricaturale. Donc, dans un monde post-apo, on construit les villes où ? On n'en construit pas vraiment. On construit pas vraiment, mais on s'établit où ? Dans des endroits qui étaient déjà habités par le passé, souvent. Ou dans les souterrains. Pour moi, souterrain, c'est ce qui relie les quatre lieux. Champ de bataille, dans un monde post-apo, ça peut être à la fois souterrain, aérien et terrestre, donc ça peut correspondre. Ville squattée, une ville squattée, justement... C'est le cas, c'est une ville souterraine qui a été squattée. C'est souvent souterrain. Enclave, ça peut être souterrain, et labo, ça peut être souterrain. J'ai dit ça peut, ouais. J'ai pas dit c'est. Moi, c'est juste l'enclave qui me... où je trouve qu'elle est peut-être un peu... Une enclave, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être souterrain, aérien... Ça peut être le château dans le ciel, ça t'amuse. On va jouer dans le château dans le ciel. Ouais. qui vote pour... Ok, on joue dans le château dans le ciel. C'était pas proposé. Zut. Non, mais... disons que ça ne colle pas avec le... La menace. La menace, elle peut... La menace, peut... c'est la gravité, pourquoi ? La menace, elle peut coller avec tout et n'importe quoi. La menace, elle est ancrée dans les fondamentaux de Milvaux que je vous ai remémoré tout à l'heure. Donc, l'enjeu, il n'est pas là. C'est plutôt... la liste, à mon sens, la liste des lieux n'est qu'une proposition pour inciter... un choix rapide des participants. Ce qu'on ne fait pas. Hein. Non, tu as une liste, tu regardes ce avec quoi tu as le plus d'affinité, tu commences à imaginer quelque chose. C'est, à mon sens, un jeu qui implique que les joueurs, en définissant les attaches qu'ils ont avec le lieu, vont définir une part du décor, une part... du contexte de départ. Admettons qu'on soit dans une convention, dans un lieu qui n'est pas dédié ou labellisé ou avec des gens qui ne sont pas accoutumés à la pratique du jeu de rôle, je pense que ça pourrait tout à fait fonctionner parce que c'est évocateur. C'est pas extrêmement défini volontairement parce que ça permet justement cette part d'imaginaire, de monde en développement. Charge à vous de l'habiter au travers de vos personnages. Les illustrations qui sont proposées avec le jeu que j'ai mis sur l'écran sont un premier guide. Il y a une charte graphique qui accompagne le jeu, il y a une charte graphique qui accompagne la feuille même de personnage. On n'est pas... lorsque vous proposez... Le château dans le ciel, l'univers de Miyazaki, c'est plutôt le conte de fées. Et alors, c'est bien les pastel, contes de fées. Ouais, pastel. Ce qui veut pas dire que l'horreur ne peut pas y survenir du tout. Bah, comment c'était Le vent se lève. Non, pas Le vent se lève. Je raconte n'importe quoi. Le vent se lève, c'est le dernier. Ouais, et en plus, c'est même pas celui-là. C'en était un. On voyait un gamin qui s'imaginait plein d'histoires et qui mourait suite à une. Mais c'est même pas Miyazaki, celui qui a fait... C'est dans le ciel qui l'a fait, je crois que c'est Miyazaki fils qui l'a fait, celui-là. Le tombeau des Lucioles. Ouais, voilà. Et sinon, bah techniquement, il y aurait le voyage au Chihiro. Oui. Mais bon, on va pas jouer au voyage au Chihiro, on va jouer à mon prince. Bref, à l'empreinte. Donc, là, le seul corrige. Le seul défaut, c'est que si on part sur quelque chose d'extrêmement connoté comme cela, je pense que on va s'attendre à des aventures. On est plus sur une ouverture vers l'aventure et la poésie, alors que ce qu'on nous propose d'éprouver dans le jeu, c'est pas ce registre-là. Libre à vous Non, honnêtement, pour combiner l'enclave et la ville squattée, il y a la ville fantôme. C'est une ville abandonnée. Donc ça, en soi, ça ressemble à l'enclave, parce que l'enclave, c'est pas forcément abandonné, mais en tout cas, c'est préservé du monde extérieur. Et bah ça ressemble à la ville squattée, parce que c'est une ville aussi. Ça ressemble à un campement, parce que si c'est une ville fantôme, il y a peut-être une raison. Et ça peut être soit un champ de bataille, comme tu l'as dit, soit un problème avec un labo. Donc on peut intégrer les deux. Pourquoi les fantômes, cette ville? Est-ce que c'est un labo, par exemple, qu'on a lâché un gaz mortel? Est-ce que si tu as des combats, ville fantôme, ça ressemble à la fois à une enclave et une ville squattée. Si ça se trouve, elle est fantôme parce qu'elle a été squattée par le passé. La ville, il y a un gang de motards qui a décidé d'y aller. Je caricature. Et comme il y a un gang de motards qui a sévi tout du long, tout le monde est parti. Et comme il n'y avait plus personne sur qui régner, le gang de motards est parti. Oui. Je caricature, j'ai dit. Je réfléchissais, mais je me disais... pourquoi il parle maintenant qu'il a le territoire libre? Parce qu'il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Donc il peut tirer parti, c'est ça? Oui, et s'il n'y a plus personne, tu crois franchement que les motards ils vont aller cultiver les patates pour survivre? Et les motards ils vont aller assis. Et donc pourquoi seriez-vous? Parce que là, vous êtes en train de. Ce que tu définis, c'est un décor. Oui. Mais. Je peux dire le contraire. Oui, oui. Mais le décor, tu dois l'envisager au regard de la création de ton personnage. Pourquoi ton personnage est ancré dans ce décor? Qu'est-ce qui fait son attachement à cette enclave, à cette ville fantôme? Il a toujours vécu dedans. C'est là que la première image de ses souvenirs... On lui remonte, par contre. Donc... Alors, on peut envisager, puisque c'est un jeu un jeu de rôle horrifique organique, on peut considérer que le choix qui vous est offert en tant que joueur de déterminer le lieu de départ n'est pas tant de planter le décor, même si ça contribue, vous avez une prise évidente dessus, mais c'est le moyen d'ancrer dans un décor les personnages qui seront vos avatars et qui vous permettront d'éprouver ce cheminement que propose l'empreinte. Donc, le définir à la volée par son ancrage dans le lieu. Et dans la liste qui vous est proposée, c'est donc de déterminer le terme qui est le plus évocateur pour vous en commun, pour avoir ce lieu commun. Mais le commun peut être tout en étant en commun, ça peut être dans une opposition. Vous y êtes attaché peut-être pour des raisons différentes ou une acception, une analyse différente. Et le jeu propose, c'est assez singulier, que le décor qui est placé sous l'autorité de l'arbitre, garde forestière dans l'arbre, confident dans Influenza, donc que l'arbitre est la haute autorité sur le décor, alors que c'est vous qui le choisissez. Oui. Donc vous lui donnez une contrainte forte. C'est vous qui allez fixer la couleur de ce cheminement. Et en revanche, alors que dans la plupart des jeux, on sait effectivement à quoi s'attendre pour ce qui concerne le vécu des personnages. On a toujours autorité sur son personnage, même si on peut avoir une autorité parfois étendue. Là, on est dans l'expectative de ce qui pourra être le futur du personnage, puisque la menace est tue. Donc, on s'inscrit dans ce dispositif. Et c'est censé pouvoir, à mon sens, c'est censé pouvoir créer une tension dynamique, ça place un niveau de contrainte pour l'arbitre, et ça vous donne, ça vous confère à vous en tant que joueur des personnages une autorité, mais surtout ça vous donne le champ pour définir la coloration du cheminement. Donc toi tu évoquais le labo, c'est dans ta zone de confort, Mathieu. C'est ce vers quoi tu te tournes naturellement. C'est pas un jeu qui propose d'emblée de sortir de celle-ci, de cette zone de confort. C'est pour ça que j'ai proposé l'enclave. Et au contraire, vous pouvez vous focaliser sur quelque chose sur lequel vous êtes tout à fait à l'aise et où vous aurez aucun mal à établir des liens avec un avatar, un personnage que vous allez créer. Donc l'enclave, elle peut, si on reprend le terme que tu viens de citer là maintenant, on peut le... C'est un mot assez large, mais ça implique dans le monde de Milvaux qu'il serait préservé d'une partie de ce qui caractérise par ailleurs le monde de Milvaux. Donc la forêt exubérante aurait moins d'emprise sur cette enclave, que les hommes seraient parvenus soit à préserver une part du passé plus importante, soit à lutter contre l'emprise d'une façon quelconque. Et c'est après dans vos vocations et l'attachement au lieu que vous allez le définir. Et vous allez me l'indiquer, ce qui me permettra, moi, d'élaborer le décor, détailler le décor dans lequel vos personnages vont évoluer. Mais on va l'établir ensemble. Pour vous donner une correspondance, on est sur, par rapport aux parties que nous avons pu jouer auparavant, on est sur une définition du cadre qui est voisine de une année de répit. À la différence qu'une année de répit considère d'emblée qu'on est dans une enclave. Oui. Et donc on est plus sur mutant année zéro, que nous avons joué conjointement avec une année de répit, qui propose de définir vos personnages au travers de leur attachement à l'enclave et leur singularité. Oui. Donc on est exactement dans ce dispositif-là. C'est, pour l'instant, c'est une vision extrêmement positive du personnage et du cadre dans lequel ils vont évoluer. Les actes sont là pour faire que le laboratoire soit atteint par la menace que j'aurais arrêtée, soit que l'enclave succombe aux hordes dehors là. Donc Gabriel évoquait pendant la pause royale que le champ de bataille... On a le droit d'avoir des besoins naturels quand même. Ah oui, mais je le taisais pour nos futurs auditeurs, c'est tout. J'utilisais une métaphore. Ouais, bah la métaphore, de toute façon, il l'aurait deviné, donc voilà. Donc revenons à notre propos. Donc Gabriel évoquait que le champ de bataille lui convenait, et après il s'interrogeait sur la forêt limbique et la perception qu'il en avait. Et je disais, comme vous vous orientez, vous m'avez dit que vous vouliez plutôt jouer en mode découverte, donc ça veut dire que on limite les atteintes de l'empreinte, ou on les atténue en partie, hein. Et donc, la forêt limbique, qui est une vision en négatif dans un monde parallèle, Gabriel faisait référence au monde à l'envers de Stranger Things. Voilà. Qui vient de Donjons et Dragons. Oui, mais qui est dans le méta-univers de Donjons et Dragons, qui est un plan infernal particulier. Et donc, les forêts limbiques, c'est du même ordre. Ce qui veut dire qu'on serait déjà placé dès le départ dans le cauchemar, et si dans une forme de cauchemar. Le but, c'est de découvrir de où ça peut partir jusqu'à où ça peut aller. Oui. Il faut éviter de choisir un truc directement qui nous emmène directement vers le point d'arrivée. C'est pas drôle sinon, on loupe la moitié du chemin. Enfin, je trouve. Oui, mais dans le même temps, c'est plus que ça place le curseur différemment. On peut très bien concevoir que l'univers soit à ce point déstructuré, etc., qu'il soit vraiment tombé dans l'emprise. C'est la proposition de départ de Milvaux. C'est l'homme a perdu sa place sur la Terre. Il a été supplanté par ses créations les plus néfastes et par une engeance, un virus mutagène, etc. Donc cette dimension, elle est extrêmement présente. La décrépitude de l'homme, elle est présente, mais on peut la prendre à un bout ou à un autre de son cheminement. Et si on place le curseur dès le départ, par exemple dans les forêts limbiques, ça va impliquer un degré horrifique qui va plutôt partir dans le mode cauchemar dès le départ, de facto, où la gradation, elle peut exister. Elle est même proposée au travers d'autres propositions ludiques de Thomas Meunier, notamment celle à Kant, mais on est déjà dans quelque chose de plus âpre. Et je pense que quand tu as dit, tu me diras si je me trompe, Mathieu, mais quand tu as dit que tu voulais le mode découverte, c'est que tu voulais quelque chose de... Bah, c'est pas contre Thomas ou contre toi, mais bon, tout ce qui est post-apo, je fais plus pour tester qu'autre chose, hein. C'est pas le mode qui me fascine le plus, hein, honnêtement. Voilà. Je préfère largement jouer, entre guillemets, dans un truc plus classique, où, ouais, c'est les bisounours, je préfère jouer dans un truc bisounours qu'un truc post-apo. Eh bien, donc tu peux choisir un lieu qui soit préservé, donc l'enclave... Oui, mais après, je veux pas pourrir votre plaisir de jouer, hein. Mais ça pourrit pas. Bah, juste, je trouve que pour vous, ça peut être plus intéressant de voir comment on peut dégénérer un monde bisounours, pour caricaturer, et moi j'ai toujours ma partie bisounours. Alors là, si jamais il y a des auditeurs qui écoutent ça, ils vont se foutre de ma gueule, mais ça va être pas permis. Bah non, tu l'as autorisé. Il est où le papier que je raille ma signature? Bref, on va arrêter. T'en as mis aucun papier, c'est de l'oral. Ouais, je sais, on va arrêter les âneries. Y'a pas de témoin. Bah si, y'en a là. Bref, on va arrêter les âneries et on va se concentrer là-dessus. Donc, vous vous arrêtez sur une enclave? Bah moi j'avais proposé la ville fantôme qui était une combinaison de tout ce qu'on avait proposé, je trouve. Alors la ville fantôme, ça vous prive de ressources. Oui, pas fou. Là, vous avez joué à arbre, vous étiez limité énormément dans les ressources. Là vous n'êtes pas a priori privé des ressources, la ressource de la communauté, elle vous est offerte par l'enclave. Je veux pas orienter votre choix, je vous donne toutes les infos que je vois ou l'interprétation que je pourrais en faire. Alors, sinon, il y avait quoi qui te plaisait, Gabriel ? La ville fantôme, ça... Le champ de bataille, mais bon. Ouais, niveau ressources, on peut ramasser plein de trucs par terre, mais... On peut prendre la caravane, au pire. Ouais. Alors, la caravane, elle est en état de marche ou pas ? Bah, c'est à vous de le définir. Mais... Ah oui, mais pour combien de temps aussi ? Ah non, j'ai cru que c'était une caravane, comme les caravanes qu'il y avait au Moyen-Orient, là, les... Non, une caravane qui... Oui, non, c'est ça, ça peut être ça. Ça peut être ça, c'est le terme caravane, Tout dépend de ce sur quoi on... Par exemple, on s'arrête. Enclave, ça peut être juste un endroit où des gens sont... Enfin, la définition de l'enclave, c'est un lieu loin de tout. Qui a probablement échappé, mais enclave, ça peut aussi être l'endroit d'où provient le truc. Hein. L'enclave, ça peut être à l'inverse, le pire endroit. Bah si, parce que si par exemple on est à l'état, je sais pas, sur une échelle de Richter, ça va de 1 à 10, de même, ou plus ou moins. C'est ouvert. Non. De 1 à 10, on va dire, d'accord, ouais. on limite notre échelle de Richter à 10. Donc si 10, c'est le paroxysme, imaginons que le monde actuellement il soit à 3 niveau apocalypse, si ça se trouve, ça vient de l'enclave et c'est pour ça que le monde n'est qu'à 3. Et dans l'enclave, c'est déjà à 9. Voilà, je dis ça, c'est tout. Ouais, sauf que ça va pas être ça, sinon tu vas pas voir ton bisounours. Oui. Moi j'aimerais pas que ce soit ça, mais je dis quand même. Donc, mais tu sais, ça peut dégénérer. L'acception, hein. L'acception importe peu en fait. C'est une porte ouverte pour vous définir vos personnages. C'est juste des mots-clés en fait. Voilà, ce sont des mots-clés qui définissent un décor que vous. Entendons-nous. Là, on va. En échangeant, on va définir ce qu'est l'enclave. Le but, c'est, au travers de mots évocateurs, d'arriver rapidement à un décor qui fasse consensus et qui soit notre cadre fictionnel commun. Oui. En partant des attentes et des raisons qui auraient pu souder vos personnages l'un à l'autre, les ancrer dans le lieu Et donc, qu'est-ce qui... Lorsque vous avez défini la communauté dans la campagne qu'on a commencé avec Mutant Année Zéro, vous aviez défini vos personnages pas ex abrupto, pas ex nihilo, vous les aviez définis en partie au regard de la communauté et des apports de ceux-ci et de celle-ci. Et comment vous pouviez tisser des liens, même si on a défini au fur et à mesure la communauté en allant. Oui. Donc ça peut être dans le même genre d'idées, mais on va partir de choses plus brutes, moins dites, moins définies. Et c'est en attaquant le premier acte que l'on va... que l'on va aller plus en avant. On va passer par trois... Il y aura au sein de chaque acte des phases différentes, mais a priori, la première sera l'introspection, et ce qui nous permettra d'explorer les rapports entre les personnages et... D'établir le contexte dans lequel va se développer l'égrégore, les Orla et tout le bazar. Exactement. Donc, si vous... placer dans la ville fantôme, juste la possibilité, la ville fantôme, moi ce que ça m'évoque, c'est qu'elle est plutôt déserte. Oui. Et que donc vous seriez parmi les seuls encore à errer dans cette ville. Oui. Ou être attaché à cette ville. Alors que dans l'enclave, vous aurez, à vous de choisir si vous y inscrivez, vous aurez une communauté avec au sein de laquelle vous serez intégré, ou au contraire... contre laquelle vous luttez pour préserver quelque chose qui est au sein de l'enclave. Oui. Moi, ce serait plus l'enclave, personnellement. Quand Gabriel évoquait le champ de bataille tout à l'heure, Le champ de bataille peut être un champ de bataille du passé qui a laissé des traces, des coutumes, qui a figé une partie des survivants dans une posture donnée et qui implique donc un ancrage. Vous pouvez être les conservateurs du lieu, etc. Ça peut être aussi une autre acception, c'est un champ de bataille d'une bataille qui a lieu. C'est quand même bizarre. Je connais pas ce... Ouais. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Retourne visiter le tuyau. Non. Donc après une petite mise au point sur les attentes des joueuses autour de la table, on peut convenir que sans remettre en cause... La grille de départ ou le propos et l'esprit du jeu, on va s'orienter sur l'enclave pour conserver à tous la zone de confort nécessaire à la création des personnages. Et donc, on va s'atteler ensemble à définir cette enclave pour pouvoir... T'es d'accord, Gabriel ? Oui. Que je m'érige pas en dictateur, sinon c'est que j'ai raté une étape dans le processus de création. Et ça peut advenir, donc n'hésitez pas à me le dire. Advenir de devenir un dictateur. D'imposer ses vues sans écouter simplement ce qui se dit autour de la comme table. Comme il n'a pas posé telle question, du coup il se présume telle réponse, comme il présume telle réponse, il fait tel truc, et comme il fait tel truc, on peut le prendre comme dictateur parce que il a fait tel truc auquel on n'a jamais demandé et on n'a jamais voulu que ce soit ça. Bon, ça fait beaucoup de trucs dans la même phrase. Truc. Arnold. Truc. Après cette blague familiale, quoi, elle est bien, Renault, tes trucs. On peut donc s'attaquer du sujet. Donc, on va planter un ensemble décor. Donc, vous imaginez l'enclave. Est-ce que vous souhaitez commencer par un nom, par une description physique ou par définir votre attache à l'enclave? J'aurais tendance mais vous me direz si ça vous convient ou pas, à considérer que c'est l'attache à l'enclave qui va dicter un peu le reste du personnage. Donc c'est un peu me dire en quoi cette enclave a le pas sur ce qui caractérise ailleurs Milvaux. Donc, ce qui rattache à cette enclave, je réfléchis. Alors, est-ce du domaine purement physique? Est-ce qu'elle est... Non, ce serait plus, pas moral, mais mental. Mon personnage y aurait toujours vécu et il ne voudrait pas se séparer. Donc ça, c'est ton attache à toi, c'est une attache affective. C'est ça. Alors, en quoi le lieu est-il une enclave dans l'océan de Milvaux? Excellente question, je n'ai pas réfléchi. Tu te sens libre d'intervenir sur le même mode. Hein, et moi, j'écoute, je vais poser des questions, mais vous devez aussi vous exprimer. Je ne peux pas faire... Non, mais je suis juste en train de réfléchir. Alors, pour peut-être orienter vos réflexions respectives, cette enclave vous protège-t-elle physiquement de l'océan de Milvaux? Est-ce une communauté qui, par ses rigueurs sociales, vous préserve? Est-ce que vous êtes... est-ce que vos personnages, et je dirais vous dorénavant, est-ce que vous êtes préservés en tant qu'élite et vous échappez... à bien des aspects triviaux qui entachent le quotidien des autres. Dire que c'est... Après, Gamal, tu me corriges si t'es pas d'accord. Hein. Mm-hmm. Je serais plus tenté de dire que c'est aléatoire, en fait. Mm-hmm. Quoi? J'ai pas compris. Pourquoi ce serait aléatoire? Cette enclave n'a pas été faite par des gens supérieurs à d'autres, ou patati patata, mais par des gens lambda. Donc, alors, ceux qui sont à l'intérieur, ça va du débile mental jusqu'au Einstein, c'est de tout et n'importe quoi dedans, d'accord. D'où aléatoire. Alors, qu'est-ce qui soude cette communauté néanmoins? C'est un peu comme un foyer. Alors, ce foyer, il s'est tissé autour de quoi? De quoi dispose-t-on au sein de la communauté? La forêt envahit tout, le monde est en ruine. La communauté s'est bâtie autour de quoi? T'as une idée, toi, Gabriel? S'est bâtie autour d'une vieille tour, une tour lugubre, qui, dit-on, était autrefois la tour appartenant à un seigneur. Qui fut cruel. Et c'était Dracula. Non, si c'est dans le, si c'est. C'est une blague, c'est bon, continue. La forêt y est présente depuis l'aube des temps, du moins depuis que la communauté est là, depuis même qu'avant qu'elle se soit installée. Elle s'est aussi installée sur. Une base morale dure, on ne quitte pas la commune. Enfin, la communauté doit être protégée. On ne doit pas parler de la communauté aux étrangers, certes peu fréquents, mais probable que l'on pourrait croiser. Alors, si cette communauté. A pu survivre, c'est qu'elle dispose de ressources. Quelles sont ces ressources? Tu évoquais la forêt. La forêt est plutôt perçue en Milvaux comme une menace. Elle ronge, englobe, enveloppe tout. Et là, les hommes ont réussi à amoindrir son emprise. Ils ont défriché pour... Ils ont cultivé la forêt? Ils l'ont cultivé par les grands feux et par les grands travaux d'été et du printemps. Les saisons sont donc stables en cette région? ce n'est peut-être que l'illusion dont vous jouissez ? Oui. Alors, s'ils sont bercés dans... ou s'ils sont installés dans cette zone, ils ont donc défriché par brûler, ils ont cultivé. Qu'est-ce qu'ils cultivent ? Quelles ressources ont-ils à proximité ? Pour survivre, il faut une source d'eau. Il y a de grands puits. Il y a des puits, d'accord. Mais desservis par des nappes phréatiques conséquentes. D'accord. Ils parsèment l'enclave. Et l'enclave bénéficie-t-elle d'autres sources d'eau que les puits qui sont entretenus ? Non. Je m'arrête, hein, si je m'avance trop. Je réfléchis. Nous disposons comme beaucoup de bois qui nous permet de nous chauffer. Donc tu as dit nappe phréatique. Donc on est sur un climat plutôt continental. Oui. Ouais. Il rend plus froid qu'ici, mais... C'est pas grave. Donc, avec des saisons marquées, identifiables. Il y a le bois qui nous permet de nous chauffer. Nous avons... De quoi vous nourrissez-vous ? De l'élevage et de la chasse. Enfin, pas élevage-chasse, plutôt. Ce serait plutôt élevage et... agriculture. Nous cultivons quelques légumes comme des légumes qui consomment peu la richesse de la terre. Comme le tempinambour. Non, c'est le panais qui consomme vraiment pas beaucoup. Il y a les carottes, il y a les courges aussi. Vous avez une culture maraîchère intensive sur les terres rendues les patates, arables. Je crois que c'est un faux ami. Il consomme beaucoup. Les patates consomment beaucoup la terre. Oui. Vous avez essentiellement une culture maraîchère établie sur les zones aussi, de brûlis. Nous avons aussi quelques arbres fruitiers qui parfois... On a 2-3 pommiers. Je dirais pas forcément pommiers. Je dirais pas forcément des pommiers. Des cornouillers ? Mmh. Oui. Désolé. Je résume. Vous avez choisi comme lieu l'enclave, une communauté agraire. Elle dispose de terres arables gagnées sur des brûlis. La forêt est contenue aux limites de l'enclave. Un climat marqué par des saisons encore identifiables. Des sources d'eau, la source d'eau principale, l'eau potable, ce sont des puits rigoureusement entretenus. Vous avez par ailleurs une activité, la communauté a une activité de culture maraîchère, notamment courges, panais, carottes. Peut-être d'autres petites légumineuses, je sais pas moi, des lentilles par exemple, qui pourraient expliquer. Courge, j'ai noté. Courge, panais, carottes, lentilles. Ouais, par exemple, les lentilles noires, elles consomment rien en eau. Arboréiculture, j'avais suggéré, Gabriel avait validé. Coudrier. Les cornouillers. Cornouillers pour leurs fruits. Les cornouilles. ça a un goût acidulé. Je n'ai jamais pu en goûter, mais ok. Et le cornouiller a la propriété, puisque tu soulignais l'usage du bois dans la communauté. Donc ça implique que vous avez donc des maisons qui sont faites en bois. Pas forcément, mais le chauffage est au bois. Alors les maisons, elles sont les maisons ou les abris. Vous disposez de maisons pour que l'enclave soit pérenne. Moi, je pense à des maisons à peu près comme celles qu'on peut trouver à Samara. Mais une maison qu'on prend pas un individu, c'est comme en Allemagne où les maisons sont partagées habituellement, en deux ou trois familles minimum. Donc, un clayage de bois. Alors là, l'intérêt du cornouiller, c'est que c'est un bois extrêmement solide et souple, les deux à la fois. Il n'y a pas l'if aussi qui est... C'est du même niveau. Avec le cornouiller, on fabrique notamment des arcs en raison de ses propriétés. Donc, clayage de bois avec donc une ossature bois et du torchis et une couverture végétale ou une couverture une toiture de bois également. Selon moi, ce serait peut-être plus du végétal parce qu'on n'a pas du bois. Couverture végétale en suffisance. Le bois, le bois cultivé est pour un usage noble. Tu avais suggéré comme ressource le recours à la chasse, mais si on raisonne sur l'idée que l'enclave. J'avais commencé à dire chasse et élevage, et non, élevage et culture. Finalement, donc, culture de légumes. L'élevage, vous élevez. Quelques brebis, des vaches, pour le lait. Une ou deux chèvres. Brebis et vaches, alors ce serait plutôt des chèvres, tu dis ? Oui. Donc par rapport à tout ce que vous avez défini, c'est plutôt une communauté montagnarde. Oui. Quoi, le topinambour, ça pousse en montagne ? Ça peut. Ça dépend. Ça pousse sur les minerais. De la rigueur ça dépend de la rigueur du climat, mais là on a juste dit qu'il était continental, donc avec des saisons marquées. Dans cette petite société, cette subsistance de la société humaine, sans envisager pour l'instant comment elle est dirigée, on reste à définir. Ce que vous m'avez décrit là de la communauté ressemble à la communauté qu'on avait définie par ailleurs. Qu'est-ce qui la caractérise? Qu'est-ce qui fait qu'elle peut fonctionner? C'est qu'il y a nécessairement des gens qui ont des talents différents et qui vont se consacrer. Il y a donc des artisans, des agriculteurs, des éleveurs. Des éleveurs. Des éleveurs. Non, alors, pas d'éleveurs. Est-ce qu'il y a une la source d'eau fiable? Ce sont les puits. Oui. Mais pour que les terres demeurent viables et arables, est-ce que vous avez une source d'eau autre, une rivière par exemple? Non, un petit ruisseau. Ok. Qu'on appellera l'Oise. Non. Mais qu'on appellera Yus. Alors cette rivière est-elle poissonneuse? Pour vraiment. Il y en a un peu, mais pas tant que ça. Cette fois-ci, elle est pas poissonneuse, la rivière. Ouais. Yus a mangé tous les poissons avant. Il a même mangé la première. Est-ce que la communauté est circonscrite à un lieu central qui serait la tour évoquée par Gabriel en entrée? Une tour du temps d'avant. C'est une tour en pierre, un peu comme on peut. C'est une tour en pierre, une pierre. Comment ça s'appelle la pierre? La pierre rouge qu'on peut trouver notamment sur la cathédrale de Strasbourg. Le cours de la rivière. Quel est-il? C'est une rivière torrentueuse? Non, calme. Calme. C'est un peu bizarre qu'il y ait peu de poissons si la rivière est calme. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a si peu de poissons. Une pêche intensive par le passage. Non, c'est parce qu'on utilise énormément l'eau pour les champs et autres. Donc vous puisez pour les cultures. Non, c'est juste qu'on utilise beaucoup l'eau du ruisseau pour ça, donc le débit. Enfin, par rapport à autrefois, l'eau est détournée pour. Voilà, donc ça permet moins aux poissons de venir. Donc, pour irriguer les champs. Sûrement et simplement, comme il y a moins d'eau, il y a moins de poissons. Dans la communauté, on a dit qu'il y avait des gens qui étaient spécialisés. Donc on a évoqué les éleveurs. Cette tâche, on la confie à qui? Ça serait plus. De quoi? Ah, le détournement de l'eau? Non, les éleveurs. Ce seront les jeunes gens ou ce sont des gens qui ont un talent particulier avec les animaux? Plus un talent particulier avec les animaux. D'accord. Mais n'importe qui peut remplacer tout le monde. Hein. Tout le monde sait faire, même que sommairement, le travail de chacun. Si par exemple le super éleveur meurt, potentiellement un jeuneau peut reprendre la main. Ce sera moins efficace, mais... Donc il y a une gestion communautaire... De l'enclave, oui. De l'enclave. Donc l'eau est détournée, l'eau de la rivière, on est détournée pour irriguer les champs. Quel usage on fait des vaches, est-ce que c'est de... On recueille que leur lait et leur toison. Lait, toison, et comme c'est un élevage, si jamais il y a une bête qui va bientôt mourir, j'entends qu'elle va mourir avant... Avant le cours inéluctable de sa vie. Ouais, si elle va mourir d'ici... Prématurément. Ouais. Si elle va bientôt mourir, on la tue prématurément déjà pour qu'elle souffre moins, et accessoirement parce que ça fait un apport de viande supplémentaire. D'accord. La viande, mais vous les élevez pas pour la viande. Non, on les élève pas pour ça, mais on l'utilise sur ceux qui vont bientôt mourir. Très peu d'apport en viande et en... Oui, on mange plus de légumes que de viande ou de poisson. C'est l'enfer pour Mathieu, il peut pas manger autre chose que des légumes. Il a même pas de patates. T'as vu ça, incroyable. Alors, mais on peut faire des pâtes. La communauté sera plutôt végétarienne alors? Elle est végane. Pas forcément, mais elle est pas si végétarienne, mais juste on mange beaucoup plus de fruits et légumes que de viande et poisson. Alors des fruits, vous en avez peu très puisqu'on peu, est oui, en montagne. Enfin, on mange surtout des légumes, donc un peu de fruits, des baies, des légumes. Et un peu de poisson. Enfin, quoique le poisson... Tu as dit que vous aviez assez peu de sources poissonneuses. Oui, mais je veux dire, ça va. Je veux dire, c'est... La viande, c'est encore plus rare que le poisson. D'accord. On attend seulement sur la mortalité des bêtes. D'accord. Donc, pas d'abattage. Abattage uniquement prématuré. Si on est certain que la bête va mourir. D'accord. Et que vous n'avez pas de moyen de la soigner. Si le troupeau atteint une taille trop importante aussi, on ne peut plus s'occuper du troupeau. Si le troupeau, par exemple, il a 50 bêtes et qu'on a deux éleveurs, ça commence à être gênant. Tu retournes parmi nous, s'il te plaît. J'avais un truc. Alors, dans cette communauté, même s'il y a une notion qui se profile d'égalitarisme, il n'y aurait pas des gens qui auraient des statuts particuliers. Je pense là au système d'irrigation. On est sur une zone montagneuse, donc ça implique que l'eau parvienne effectivement depuis la rivière jusqu'au champ. Oui. Donc tout un réseau qui doit être entretenu. Oui. Entretenu. Oui, le réseau doit être entretenu, mais enfin chacun fait son boulot, quoi. Chacun fait son boulot, c'est pas une fraction particulière de la communauté qui serait en charge de l'entretien de celle-ci. Il y en a certains qui sont spécialisés, comme pour les éleveurs, qui sont plus chargés de s'occuper des bêtes, mais chacun doit pouvoir remplacer, même s'il le fera moins efficacement, quelqu'un d'autre. Alors ça implique une grande connaissance, de grandes connaissances pour optimiser ainsi... les ressources, les réguler. Ces connaissances, elles sont acquises comment? Comment acquiert-on Dès le plus jeune âge, les anciens apprennent aux jeunes les rudiments de chaque corps de métier, pour caricaturer. Donc les anciens enseignent aux plus jeunes. Les anciens ou les spécialistes. Par exemple, ce sera si l'ancien. L'ancien, c'est pas forcément quelqu'un incapable d'utiliser une faux et qui peut pas aider lors de la moisson. C'est moisson. Mmh. Ouais, c'est ça. La cueillette. C'est la mousson. On n'a pas évoqué, cela dit, de céréales. Hein. Oui, mais. À proprement parler. Alors on peut rajouter. De la récolte, si tu préfères. Ouais, de la récolte, mais vous pouvez. Si vous avez. De l'orge. C'est mon consommateur que le blé, et puis ça fait. J'ai parlé de la pierre rouge. Légumineuse, orge. Et c'est tout. Parce que si donc l'entretien des graines, c'est. Là aussi, c'est géré. Vous avez une pièce où vous conservez des sources de graines précieusement pour. Oui, une sorte de grenier. Enfin, grenier. Oui, un grenier. Mmh. Ça s'appelle comme ça, c'est oui. Le bâtiment. C'est pas la pièce. Enfin, ça peut être une pièce de la maison, mais je pensais plus au bâtiment en disant grenier. Un grenier. Un silo. Ouais, voilà, c'est un silo. Qui resserre les graines. Les récoltes sont serrées en silo. Sont des silos excavés ou en hauteur? Excavés. J'aurais plus dit en hauteur. Ouais. En hauteur, c'est plus difficile. Ouais, ça implique plus d'ouvrage, plus on de. Bon, excavés. Excavés. On peut pas se permettre d'en avoir des en hauteur. C'est pas possible. Je pense que on a les éléments. Alors, votre communauté, elle compte de nombreux individus. Une centaine, pas plus. Une centaine d'habitants. Je vais lancer les dés en fait. Alors, une centaine, avec toutes générations confondues. En fait, j'allais lancer les. Donc, d'après ce qu'il faut, il y a combien de spécialités Là, vous avez déjà. Paysan, éleveur, on va résumer en. Puistier. Artisan, agriculteur, éleveur. Il y a. Le fait d'entretenir les puits, ça me semble être. Le puisatier et la gestion des canaux. On a 5 environ. Ça me semble être quelque chose de particulier qui requiert une attention. Alors, C'est les ingénieurs. C'est les. Voilà. Depuis quand ils servent à quelque chose. Ce sont des gens un peu en dehors. À mon sens, ils ont dû s'abstraire des tâches quotidiennes pour pouvoir assurer. La pérennité des infrastructures. Donc, ton recours au hasard t'aura permis d'élucider la population. Ça peut être un ordre d'idées, hein, simplement. Une cinquantaine. Il y a franchement pas beaucoup de monde hein, dans ce cas-là. Ça veut dire qu'on est. Par corps, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Oui. Donc la communauté est fragile. Non, cinquantaine de personnes entre guillemets dit actives et il y a une quinzaine de personnes nouveau-nés et vieillards qui ne peuvent plus aider. Ça te va toi? Ça fait 75. Ouais, environ 65. Ouais, on va dire 70 individus. Oui. Donc c'est une petite communauté. Qu'en diriez-vous, Ormont? Ça vous convient comme nom pour le lieu? Pourquoi Ormont aussi? Non, Ormont. Pourquoi? Parce que la communauté est établie dans cette vallée de montagne, préservée, et que l'or. Moi je dis qu'on doit s'appeler la Vosge. La Vosge. la brique rouge, je vais les spécifier. Donc, on est dans les Vosges. Donc, on s'arrête sur le nom de communauté à Ormont. Oui. On a défini un peu l'enclave. Une enclave montagnarde qui subsiste au travers d'une agriculture. Raisonné, mais qui repose tout entière sur l'eau. Oui. l'eau et la domestication. Alors, c'est l'heure de lancer les paris. Sur quoi va être le problème? Sur l'eau. Alors, moi, je dis sur les champignons. Vous aviez indiqué que l'alimentation est majoritairement composée de légumes. Oui. L'alimentation des puits provient de nappes phréatiques abondantes. Oui. Donc, ce qui a permis la domestication de l'eau, sont des techniques, somme toute simples, mais c'est donc un savoir. Oui. Un savoir qu'on préserve. Oui. C'est de l'oubli. Préserver de l'oubli, et alors l'oubli frappe la dimension émotionnelle de notre mémoire, pas la dimension des savoirs et techniques. Hein. Le cerveau est composé de plusieurs éléments, donc ça ne frappe pas nécessairement cet aspect-là. L'oubli, c'est simplement l'oubli naturel. Enfin, l'oubli, c'est que... Là, tu le prenais au sens commun du terme. Oui. Alors, comment a-t-elle été préservée par l'oubli? Vous m'avez répondu sur la communauté, ça me satisfait qu'à moitié. Bah, comme on doit l'entretenir assez fréquemment, il y a forcément des gens qui doivent mettre en pratique ça. Oui. Les gens observent et donc n'oublient pas. Il y a un enseignement et un entretien régulier. Alors, la communauté, vous avez dit qu'elle était installée dans le temps. Oui. Oui, c'est moi qui crois. Tu as dit qu'elle s'était installée dans le temps après avoir renversé... un dictateur. Enfin, un seigneur cruel. Je n'ai pas dit dictateur, je l'ai dit seigneur cruel. Et ce seigneur cruel, on a cherché à éviter qu'un nouveau seigneur ne s'impose. En effet. Donc préserve aussi la communauté. Préservation de la communauté. Le seigneur s'appelait Triglav. Bon, je sais pas, je trouvais ça rigolo de mettre Triglav. Ça me va tout à fait. Dans les infrastructures de la communauté, qu'avons-nous? On a plusieurs maisons communes, les greniers dont excavés dont on a parlé tout à l'heure. Alors, un puits forcément. Grenier, puits, la tour dont on se sert pourquoi grenier. Oui, on se sert de la tour comme grenier. Et on peut pas s'en servir grenier de tour de guet. À graines. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on y préserve aussi? C'est peut-être le lieu commun, le lieu en commun à la communauté. Oui. Lieu de rassemblement, de réunion. Alors la tour, le grenier, on a des maisons communes. Le puits, forcément. Les puits. Les puits, oui. Ben, si tu vois, c'est... Enfin... Si tu sais, en Allemagne, on parle de Einfamilienhause pour les familles, enfin pour les maisons comme nous, où il n'y a qu'une famille qui vit. Et habituellement, c'est des Dreifamilienhäuser en Allemagne. Donc c'était plus sur ce modèle-là que je me basais, avec des grandes maisons. Trois familles, ou je sais pas combien, bref, plusieurs familles par maison, c'est des maisons connues. Fréquemment, dans ces trois familles. Non, ça devient de plus en plus à la mode de s'acheter une maison pour soi tout seul. Enfin, pour sa famille et soi tout seul. Donc, vous avez des endroits pour remiser le bois, donc des bûchers. Oui. Un ou deux bûchers. On a une maison commune avec un enclos à proximité qui sert de maison d'élevage en fait. Alors, et qui peut être improvisée en tant qu'abattoir lorsqu'il faut abattre une bête, tu as un problème quelconque. Alors, la stoy. La stoy. C'est quoi la stoy? On coupe des vaches. Oui. L'étable. Ouais, l'étable, voilà. La stoy. C'est quoi, c'est en Alsacien? L'étable. C'est en Alsacien, c'est ça? Non, c'est, vous appelez ça la stoy? Non. Si. Il n'y a pas le choix. Mais pourquoi la stoy? C'est comme ça que ça se dit. C'est en russe? C'est en ukrainien. Félicitations, Sherlock, c'était en russe. C'est en ukrainien. L'ukrainien existe. Alors, maintenant, les connaissances, on a dit que vous régissiez la communauté au travers des connaissances partagées. Il y a une tradition écrite. À quoi ils servent, les anciens? Ils apprennent à écrire, peut-être. À écrire et à lire. Alors, cette tradition écrite, elle est jalousement conservée, parce que ça prend du temps que d'apprendre à écrire et à lire. Bah en fait, par rapport à un effectif d'une quinzaine d'enfants. Tradition écrite, je m'explique. En fait, on effectue surtout la tradition orale, mais pour tous les métiers techniques où il faut des connaissances très pointues, au lieu de leur enseigner à faire les différentes tâches, on leur apprend à lire et ils ont toute la documentation qui est soigneusement dans la tour. Donc, documentation technique. Voilà, pour résumer, c'est ça. Bonsoir. Alors, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir défini... Ouais. Oui. Alors, même si, si on a avancé que... Assez peu. Ça fait 1h30 en ligne. En on. Et est-ce que vous avez le sentiment d'avoir défini suffisamment votre communauté pour maintenant compléter vos fiches de personnages? Ouais. Oui. Donc, c'est définir vos attaches. Qu'est-ce qui fait que vous soyez attaché à ce lieu? D'un point de vue émotionnel. Donc, j'ai toujours vécu. Tu notes ta phrase. Je sais pas, descendu ma trousse, ouais. Tu notes sous forme d'une phrase comme tu. J'y ai toujours vécu. Alors tu peux noter attache et j'y ai toujours vécu. Oui, c'est un peu contradictoire. Ah non, mais ça peut l'être. Se rapprocher par erreur et fuir la menace. D'accord. Il se rapproche par erreur, mais dès qu'il se rend compte qu'il s'est approché, il s'enfuit. Ouais, tu auras le droit d'en changer à l'issue du premier acte. Tu peux te définir une... Ah, c'est pas cohérent avec la tâche. Ah non, plutôt, du coup, je sais pas, sorcellerie, non. Combat, non. Du coup, art. Ouais, y a qu'à art, en fait. Parce que tous les autres, ça correspond pas. Alors, par art... Ouais, t'entends quoi par art? Art, l'artisanat peut relever de l'art. Ouais, on va dire que c'est un artisan. Alors, reste à définir dans quel domaine d'artisanat ou d'art. Les canaux. La conception et l'entretien des canaux. Ouais. Au-dessus de vocation, je mets artisan, c'est ça? Tu peux le noter. On aura bien trouvé un mot pour l'entretien canalier. Vous entretenez un système de puits et de canaux. Donc, puisatier. Voilà, tu es un puisatier. C'est ton métier. Puisatier. Donc, tu es puisatier. Il y a le chat qui boit. Mathieu a défini son attitude face à la menace. Il a défini sa vocation, donc comme je le disais, art s'entend aussi dans le contexte de Millevaux comme l'artisanat, hein, et Mathieu a défini qu'il était puisatier. Je suis comme Imhotep, je m'occupe de l'eau. Et donc le puisatier dans cette communauté particulière d'Ormont implique d'entretenir tant les canaux que les puits en eux-mêmes. Et c'est toute la science d'acheminer l'eau où elle doit être. Donc ces deux points, vous pourrez en modifier à l'issue. C'est à l'issue seulement du premier acte. D'accord ? Et s'il n'y a pas la menace pour pendant le premier acte ? Elle y sera. Donc non. Donc on a dit que nous avions une communauté rurale et par rapport à cette circulation du savoir et du haut niveau technique dont jouit la communauté au regard des critères de Mitevaux, même si elle fonctionne par opposition au cruel Triglaf qui a imposé son joug des années durant, il a bien émergé un sachant, un référent dans chaque génération parmi les anciens, quelqu'un auprès duquel les membres de la communauté vont se tourner naturellement en cas de difficulté. J'ai une question qui ne ressemble pas totalement à un truc, c'est Tris. Bon, après c'est 3, mais est-ce que Glaf, ça a une signification qu'on connaît ? Ça veut dire quoi ? Ah, que les personnages connaissent ? Non, pas que les... Non, dans nos recherches, les recherches qui ont été menées, est-ce qu'on a déterminé ce que ça voulait dire ? Oui, c'est les trois voies, les trois âmes, les trois esprits. Ok. Ça aurait très bien pu être un nom tout à fait adéquat pour Gaius dans les forêts mentales. Oui, mais on a dit qu'il se trimballait avec... Oui, mais c'est pas innocemment que je l'ai... Oui, moi non plus. Alors, est-ce que vous souhaitez que votre personnage soit ce référent de la communauté ? Non. Non. D'accord. Vous êtes plutôt en retrait de celui-ci, alors on l'appelle Balistio. Parce qu'il traîne la jambe. Ah, ok. Et il vous reste à définir vos noms. Je sens un bouquin. Vous avez donc choisi vos noms. Trivatre. Trivatre. Valkov. Donc ça veut dire. La voix de l'eau. Oui. Moi, je sais pas ce que ça veut dire. C'était joli. Pourquoi tu l'as choisi ? C'était Goli. Loli. Très bien. Ben, on va pouvoir passer sur le premier acte.